passe à la maison, passe à la maison, passe à la maison, viens baiser. Passe à la maison, passe à la maison, passe à la maison, viens baiser. Viens baiser avec moi. Viens baiser avec moi. Et je t'écrirai, et je t'écrirai, et je t'écrirai une chanson. Et après la chanson, la belle chanson, après avoir chanté, nous baiserons. Viens baiser avec moi. Viens baiser avec moi. Viens baiser avec moi.